Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Le 11 novembre 1940, dans Paris occupé, bravant l'interdiction de commémorer la victoire de 1918, quelques milliers de lycéens et d'étudiants manifestèrent sur les Champs-Élysées et autour de la tombe du soldat inconnu de la place de l'Étoile. Les Allemands réprimèrent sévèrement le rassemblement, blessant gravement certains manifestants et opérant des centaines d'arrestations. Parmi les meneurs de cette journée se trouvait un jeune homme qui n'avait pas 20 ans. Après-guerre, il deviendra cinéaste, Pierre Caste. Après 5 mois de détention à la Santé, c'est en clandestin et résistant qu'il vivra tout le temps de l'occupation. Véritable auteur de cinéma, Pierre Caste, qui aura été aussi un critique important et un écrivain, n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il méritait. Son cinéma est resté mal connu et Caste demeure dans l'ombre des réalisateurs dits de la Nouvelle Vague. En avril 1968, l'émission « Connaître le cinéma » de Jean Mitry et Philippe Hainaut s'intéressait à Pierre Caste. Il venait de signer pour la télévision une adaptation de Drôle de jeu de son ami Roger Vaillant. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'homme de culture et de conviction qu'il était. L'occasion d'entendre dans la voix de Pierre Caste toute l'intelligence d'un esprit clair. Connaître le cinéma, une émission de Philippe Hainaut et Jean Mitry. Pierre Caste et ses films. Nous allons consacrer périodiquement des émissions entières à certaines personnalités marquantes du cinéma français, scénaristes, acteurs, réalisateurs, dont nous n'avons pas jusqu'ici assez parlé. Nous leur demanderons d'esquisser librement devant nous une sorte d'autoportrait, puis nous demanderons à des critiques qualifiés de situer la personnalité et l'œuvre dans le cinéma contemporain. Nous commencerons par Pierre Caste. Il se trouve qu'après des années où l'on a discuté l'importance de l'œuvre de Pierre Caste, certaines émissions récentes de télévision, notamment son adaptation de Drôle de jeu, mettent sa personnalité et son œuvre en pleine lumière. Je rappelle qu'il est né à Paris en 1920 et qu'il a débuté en 1950 dans le court-métrage aux côtés de Jean Grémillon, avec qui il a réalisé « Les charmes de l'existence » et « Les femmes du Louvre ». Suivirent « Les désastres de la guerre », « L'arithmétique » avec Queneau, « La guerre en dentelle » d'après les gravures de Callot, « La chasse à l'homme et à nous de Paris », deux essais satiriques, « Le Doux, l'architecte maudit » et nos ancêtres les explorateurs, Le Corbusier, l'architecte du bonheur, et Images pour Baudelaire. Très récemment, en 1965, Pierre Caste est revenu au court-métrage pour réaliser, à la suite de La Jetée de Chris Marker, pour lequel il a une très vive admiration, La Brûlure de Mille Soleils. C'est dans le même esprit de science-fiction, de rêverie sur le futur, qu'il a réalisé son premier long-métrage en 1957, Un amour de poche. Ce film, de son propre aveu, n'était pas réussi. En 1958-59, au moment de l'insurrection du nouveau cinéma, il réalise Le Bel Âge dans des conditions beaucoup plus libres. Ce film le révèle et le définit. C'est ensuite des films moins heureux, comme Merci Natercia, Les vacances portugaises, dont nous ne parlerons pas, mais en 1960, il réalise un autre film de qualité, La morte saison des amours, qu'on peut comparer au Bel Âge pour la qualité comme pour l'esprit. Récemment donc, Pierre Caste a trouvé auprès de la télévision des moyens d'expression et une liberté plus grande, et il a réalisé pour la télévision française 3 émissions importantes, L'Empire romain, Les carnets brésiliens et Drôle de jeu, d'après le roman de Roger Vaillant, pour lequel il avait depuis longtemps une très vive admiration. Pierre Caste s'entretient avec Jean Mitry. Qui je suis, il faudrait demander au docteur Freud, pas à moi. Je suis né à la fin de 1920 à Paris. d'une famille petite bourgeoise protestante. J'ai fait des études normales pour ce milieu. J'étais au lycée, puis j'étais à l'université. Et puis, comme c'était la guerre, j'ai eu une chose que j'ai trouvé une grande malchance à ce moment-là, mais qui était une grande chance, c'est-à-dire que j'ai eu mes études brusquement interrompues par le fait que j'étais arrêté. Et au lieu d'entrer à l'université ou à l'école normale, ce qui était mon but, je suis entré à la santé. Alors j'ai trouvé ça très désagréable sur le moment, mais en réalité ça m'a empêché de devenir professeur de grec à Carcassonne, par exemple, ce qui est un métier parfaitement honorable, mais qui n'est peut-être pas exactement ma vocation. C'est pas parce que j'ai l'air d'un intellectuel de gauche que je suis forcément normalien. À la Libération, j'ai participé à la fondation d'un journal qui s'appelait Action, avec des amis à moi, Pierre Hervé, Pierre Courtade, Roger Vaillant, Marcel de Guillaume. Et on m'a donné, comme je m'intéressais beaucoup au cinéma depuis toujours, puisque très souvent, au lieu d'aller au lycée, je passais mes journées entières au cinéma, parce que j'avais la chance d'être au lycée Henri IV, qui était très libéral sur les heures de présence, et d'autre part, très près du cinéma Le Grand Cluny, qui passait 3 films différents chaque jour. Alors, ce qui permettait quand même de voir chaque semaine un certain nombre de films. Et alors, comme ça m'intéressait beaucoup, on m'a demandé de m'occuper du cinéma dans cet hebdomadaire. Et comme je ne connaissais rien au cinéma, je ne savais même pas qu'il y avait des trous dans la pellicule. Hein. Alors je me suis dit, comment on fait ? Alors j'ai commencé à lire des choses, et puis, assez naïvement, je me suis dit, il doit y avoir une école de cinéma. Il y avait l'IDEC, et je me suis présenté au concours, qui avait lieu en mai 45, et j'étais reçu. Et puis, en même temps que je faisais ça, je faisais mes articles, et pour un article, je me suis dit, au fond, il doit y avoir l'équivalent de la Bibliothèque nationale pour le cinéma. Et j'ai regardé dans un annuaire, il y a marqué Cinémathèque, j'ai téléphoné, et j'étais reçu par un charmant jeune homme mince, qui s'appelle Henri Langlois, et qui, avec qui on s'est, je me suis très bien entendu, on a passé des heures et des heures, il m'a emmené voir un tas de films, j'ai commencé à être très intime avec lui, et il m'a dit, écoutez, au lieu d'entrer à l'IDEC, venez donc travailler avec moi à la Cinémathèque. Grémion était président de la Cinémathèque, et je veux dire, c'était une chance absolument incroyable, parce que, évidemment, j'ai rencontré depuis beaucoup de gens de cinéma qui ne brillent ni par la générosité ni par la culture. Et il s'est trouvé que Grémillon était un homme d'une formidable dimension culturelle, je veux dire, et d'une formidable générosité personnelle. Et puis, après une année d'environ de travail à la Cinémathèque, il avait un travail à préparer et m'a demandé de travailler avec lui. Voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec lui, ce qui était évidemment un grand coup de peau. En réalité, d'ailleurs, dans le cinéma, à mon avis, tout est une formidable question de chance. C'est un peu comme au football, si vous voulez. Les opportunités qui se présentent ne se présentent jamais deux fois. Il avait une conception du cinéma très proche de la conception d'un écrivain. Simplement, comme il était pris dans un engrenage social, syndical, économique, la partie la plus importante de l'œuvre Grémillon, elle est finalement dans ses cartons sous forme de scénarios qui ont été refusés ou rejetés par l'organisation économique et sociale qui était celle de son temps. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 58-60, quelque chose dans l'armature économique du cinéma a été cassé. Et c'est ce qu'on a appelé, d'un mot très impropre, la nouvelle vague. La nouvelle vague, en fait, c'est simplement le fait qu'arrive à la possibilité de faire des films un certain nombre de gens, ou jeunes ou encore jeunes, qui réussissent à casser la mécanique économique qui consiste à fabriquer des films en studio d'une certaine manière. Bon, on fait les films autrement. Et avec beaucoup moins d'argent, sans vedettes, sans un certain nombre de préjugés, même techniques, si vous voulez. Et cette manière de faire des films a engendré, on le voit bien 10 ans après, une mutation dans le cinéma. Et actuellement, on peut dire qu'un certain nombre des plus beaux films de ceux qui sont faits maintenant en France, ou dans cette méthode de produire les films, viennent de ce qui s'est passé dans les années 58-60, où un certain mur a été cassé. J'ai eu une expérience très malheureuse, qui était mon premier film de long métrage, pour lequel j'ai eu de très très violents conflits avec l'appareil de production. Au niveau du scénario, au niveau du tournage, au niveau du montage. Et le film ne ressemble pas du tout à ce que je voulais qu'il soit. Et ça m'a fait comprendre que si je voulais faire les films comme ceux que je souhaitais faire, il fallait que je m'en prenne à l'appareil de production lui-même. Et j'ai donc, si vous voulez, été, sinon le premier, du moins l'un des premiers, à produire des films d'une manière radicalement différente, c'est-à-dire sans passer par l'appareil commercial de production. Et le film qui s'appelait Le Bel Âge a été fait dans des conditions absolument fantaisistes sur le plan de la production économique, mais il a existé. La nouvelle vague n'était pas comme le mouvement surréaliste, un mouvement qui aurait eu une idéologie ou une esthétique en commun. était seulement en commun l'idée qu'on peut faire un cinéma d'expression personnelle et que pour le faire, il faut casser la structure économique de production des films. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été battu après, naturellement. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, bon, on a eu des opportunités. Et puis ensuite, ceux d'entre nous qui avaient eu de grands succès commerciaux, et il y en a eu quelques-uns, ont continué à faire beaucoup de films, et les autres sont devant, chaque fois, devant le même problème, qui est une montagne à gravir. Mais ça ne change pas le fait que, si vous voulez, ce qu'il y a de commun entre Hiroshima et À bout de souffle, c'est ni une esthétique, ni une idéologie, c'est en fait une autre manière d'aborder la création des films. C'est ça. Et en ce qui concerne votre manière à vous d'aborder le cinéma, quelles sont vos conceptions générales? Vous savez que parfois, on vous a reproché, peut-être à tort ou à raison, un certain intellectualisme. J'ai absolument l'impression d'avoir une étoile jaune et sur laquelle il y aurait marqué intellectuel au lieu qu'il y ait marqué juif. Bon, mais je suis dans le même état de rejet, si vous voulez, comme si le cinéma n'avait pas le droit de tout dire. Je trouve que c'est une rigolade. D'abord, ce que je dis n'est pas si compliqué, ni si littéraire, ni si philosophique que tout ça. Je veux dire, je connais de vrais intellectuels, et je vous garantis que c'est un peu autre chose. On me fait effectivement reproche de faire un cinéma littéraire et parlé. Bon, ça tient simplement au fait que je crois que dans les conflits qui ont lieu aujourd'hui, bon, si vous voulez, la base de départ est que j'aime parler de ce que je connais. Je n'aime pas parler de ce que je connais pas. Bon, je ne saurais pas faire un film sur les mineurs. Je veux dire, la seule chose que je sais des mineurs, c'est qu'ils font un métier terrifiant. Mais mon cinéma est sociologique, c'est-à-dire qu'il est lié à un milieu et à une époque précise. Dans ce milieu, dans cette époque précise, qui sont finalement beaucoup plus universelles qu'on le croit. Dans ce milieu, le moyen essentiel de véhicule des conflits est le verbe. Les gens s'expriment. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est qu'ils parlent. Si vous mettez effectivement en scène des hommes, il est bien certain que leurs conflits sentimentaux, politiques, idéologiques, philosophiques, même d'une certaine manière, sont coulés dans un certain style de vocabulaire. Bon, ce vocabulaire qui est en plus une manière... Enfin, si vous prenez Pygmalion, c'est le mythe de Pygmalion est très clair. Je veux dire, on reconnaît la classe sociale des gens, leur prononciation et leur façon de parler. Il y a quelque chose de très profondément vrai là-dedans. C'est-à-dire que donc je mets en scène des gens d'une certaine classe sociale qui parle d'une certaine manière. Alors après, on me dit, oui, vos films parlent. Eh oui, ils parlent, c'est comme ça. En plus, en dehors de tout ça, et pour élever un tout petit peu, en dehors de l'anecdote même, la chose, je crois que profondément, le cinéma a le droit de tout dire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une façon raciste d'aborder la conception générale du cinéma, qui consiste à dire, de la même manière qu'on dit les nègres sont faits pour cirer les souliers, pas pour faire de la philosophie, les juifs sont faits pour vendre des fourrures, pas pour faire la guerre. Bon, on peut dire aussi les cinéastes sont faits pour montrer des pétarades, des poursuites, et pas pour montrer des vrais conflits. Ben, c'est pas vrai. Le cinéma est adulte, tout est à sa portée, le cinéma est un langage, c'est pas un spectacle, c'est aussi un spectacle et aussi une industrie. Bon, mais du fait que c'est un spectacle et une industrie, il ne s'en suit pas que c'est seulement une industrie ou seulement un spectacle. C'est aussi un moyen d'expression et un langage. Et comme c'est un langage, par définition, ça peut tout dire. Je pense malgré tout que dans l'expression filmique, c'est l'image qui doit avoir priorité. Je crois qu'il y a une grande confusion en ce qui concerne le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, bien entendu, est fait d'images. Il ne s'en suit pas, pour autant, que le cinéma est seulement un art de l'image. Le cinéma, c'est un discours. Un film, c'est un discours, c'est un récit. C'est quelque chose qui est organisé dans le temps et pas dans l'espace. Naturellement, il y a des éléments spatiaux qui sont les éléments de composition de l'image. Et c'est pas moi, et pas à vous, évidemment, puisque nous sommes tous les deux de grands admirateurs d'Einstein, c'est pas nous qui allons nier l'importance de la composition et de l'image. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que je crois que, bizarrement, ce qui est le plus important dans ce récit, c'est la bande-son. C'est-à-dire que la durée est organisée, évidemment, selon le son. Je veux dire, d'ailleurs, vous le savez très bien, puisque vous avez fait un film sur Debussy, et que vous n'avez pas fait écrire la musique sur vos images, mais vous avez monté vos images sur la musique. Oui, vous savez donc mieux que personne que c'est la bande-son qui compte le plus, et que quand on fait du montage, on monte pas en l'air, si j'ose dire. On monte sur une bande-son. Sur le son, bien sûr. Bon. Le cinéma est donc un discours et un récit. Bon. Il s'ensuit donc que c'est un art de la preuve, un art de la démonstration. Quand vous montrez quelque chose, vous ne montrez pas la réalité. Je ne crois pas au cinéma, que le cinéma est un art réaliste, si vous voulez. Je ne crois pas au cinéma vérité. Je suis comme Rossellini, je suis pour le cinéma raison contre le cinéma vérité. Ah, je suis d'accord, je vais vous l'entendre dire. Oui, non, c'est-à-dire que ce que fait Roberto actuellement, et en particulier dans les grands documentaires qu'il fait en ce moment, L'âge du fer, le film sur l'alimentation, et Louis XIV. Bon, c'est net que ce qui est intéressant chez Rossellini, c'est l'idée d'un cinéma instrument d'expression, instrument de culture. Absolument. Et ça, c'est évidemment capital. Je viens d'essayer de faire un film qui a été produit dans des conditions qui sont très intéressantes à regarder. C'est-à-dire que c'est une expérience de coproduction du cinéma et de la télévision. Le film est produit par la télévision à 80% de son budget, très petit budget d'ailleurs, enfin relativement petit budget, et est donc sorti d'abord sur l'antenne et doit passer le 8 mai dans une salle. Bon, c'est donc très intéressant parce que d'une part, c'est la première fois que je bénéficie de conditions de liberté de tournage extrêmement grande sur le plan de la conception. Et ce film, qui est une adaptation d'un roman de Vaillant qui s'appelle Drôle de jeu, est très important pour moi. Évidemment, bon, alors je fais toujours le marxiste de service, naturellement, parce que les conditions économiques dans lesquelles il se fait me paraissent importantes et fructueuses pour d'autres que moi. C'est-à-dire que je crois qu'actuellement, ce qui me paraît fascinant en ce moment, c'est de voir un garçon qui a 19 ans comme Philippe Garrel ou qui a 18 ans comme Jaime Semprún se mettre à faire leur premier film. Ils ont fait deux films chacun, ce qui est extraordinaire, à 19 ans. Je veux dire, mais tant mieux. Je veux dire, plus il y a de metteurs en scène jeunes et plus il y a de metteurs en scène intelligents, mieux ça vaut. Je veux dire que l'idée ancienne, syndicaliste et corporatiste, que le cinéma doit être fait par un petit nombre de vieux cons, est une idée absurde. Absolument. Bon, en dehors de ça, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans le rôle de jeu, enfin, c'est que c'est la première fois que je fais une adaptation. Alors, je la fais parce que j'aimais beaucoup Vaillant, j'aimais beaucoup son livre. Bon, et il se fait que là aussi, c'est un paradoxe à la Gide en plus, si vous voulez. C'est en étant le plus près de Vaillant, donc le plus fidèle au livre, que, en réalité, je cherche l'exposition la plus personnelle. Et ce qui me paraît intéressant dedans, c'est de faire un film qui concerne la résistance. Bon, qui se passe pendant l'occupation, dans un mouvement de résistance. Et au lieu de faire un film avec un béret basque tricolore, si possible, et de faire de l'image d'Épinal sur la résistance, j'ai suivi le livre qui est l'histoire de cas particuliers, qui ne prétend pas au typique, qui ne prétend pas au général. Et dans le même temps, en faisant ça, tout d'un coup, je me suis aperçu que ça revenait à parler à la génération la plus jeune qui s'intéresse aujourd'hui à la politique d'une manière qui n'est pas étroite, si vous voulez. Les histoires de combiné électoral, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas de la politique, c'est de la cuisine. Mais la politique au sens important, si vous voulez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans le cas où se trouve le fascisme installé dans un pays ? Bon, eh bien ça, c'est un problème qui concerne tous les gens qui mettent des posters de Che Guevara sur leur mur. Et ça représente ce qu'il y a de plus vivant et de plus vif dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est pas pour rien que mondialement, vous vous apercevez que dans tous les pays, que ce soit en Tchécoslovaquie, ou que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, c'est finalement une certaine frange du milieu étudiant qui représente la meilleure chance de la création artistique du futur, si vous voulez, pour employer toute une série de mots très nobles. Voilà. Alors c'est pour ça, si vous voulez, que je crois que en plus, Drôle de jeu est un film assez sérieux. Et j'ai la réputation de faire des films très futiles. Bon, ce qui est quand même assez rigolard, parce qu'ils sont, bon, ils sont pas très futiles non plus. Je veux dire, ils sont pas très tristes, mais ils sont pas futiles. On m'a accusé de montrer des gens toujours oisifs, en vacances, ne travaillant pas. C'était pas vrai. C'est pas parce qu'ils étaient en vacances qu'ils ne travaillaient pas. Je veux dire, tous les personnages de tous mes films obéissent tous à la règle de base de la composition des romans chez Roger Vaillant, qui est qu'on s'intéresse d'abord à savoir comment les gens gagnent leur argent et d'où. Et avec quoi et en faisant quoi. Bon, et ça, je l'ai toujours dit, su et montré. Oui. Bon, alors maintenant, si vous voulez, tout d'un coup, le film est beaucoup plus politique que les autres. Et à mon avis, c'est une façon d'éclairer une certaine démarche. Si vous voulez, c'est pas que je trouve que mon œuvre complète est importante, mais je crois qu'il y a une évolution qui se fait dans le cinéma. Et tout d'un coup, c'est l'image dans le tapis, le motif dans la tapisserie d'un cinéaste qui est plus important que chacun de ses films. Si vous voulez, c'est la somme des films de Godard, la courbe de Godard, qui est plus importante que chacun de ses films. Encore qu'il y ait beaucoup de ses films que je trouve parmi les plus importants qu'on fasse en ce moment. Mais si vous voulez, c'est l'unité de Godard qui est très importante. C'est l'ensemble de son œuvre. C'est ça. Ben, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, Drôle de jeu, c'est quelque chose qui permet de comprendre, dans la mesure où ça intéresse quelqu'un, ce que sont les 5 ou 6 films que j'ai faits. Oui, c'est ça. Ce qui m'a frappé dans l'entretien que nous venons d'écouter, c'est que Pierre Caste confirme absolument une certaine idée qu'on a de lui-même et en même temps qu'il s'insurge contre cette idée qu'on a de lui. C'est un cinéaste, à première vue, singulier. C'est un cas. Et il me semble que par là même, il est exemplaire dans la mesure où, dans le cinéma français, la règle, c'est l'exception. Et il me semble que sa position d'intellectuel, parisien, cultivé, sceptique, brillant, est au fond assez caractéristique. Le paradoxe, au fond, c'est que ses meilleurs amis ont dit « Ce cagneux, essayiste plein de talent et de charme et de séduction, pourquoi fait-il du cinéma ?» Au fond, c'est un homme du verbe. D'autre part, cet intellectuel s'insurge contre la société bourgeoise dans laquelle il vit, dont il profite plus ou moins, et son insurrection est beaucoup plus morale qu'intellectuel, et plus intellectuel que social. Face à ce débat où règne une certaine confusion et certaines ambiguïtés, je crois que le moment est venu de demander à deux critiques qui connaissent bien Pierre Caste et son œuvre d'essayer de clarifier les choses. Il s'agit de Patrick Bureau, qui vient d'avoir récemment une série d'entretiens avec Pierre Caste à la suite de ses émissions de télévision, et de Robert Benayoun, bien connu déjà de nos auditeurs. Que pensez-vous au fond de Pierre Caste, ou plus exactement, comment le définissez-vous, Patrick Bureau? Pierre Caste offre le flanc aux critiques parce qu'il y a en lui de plus agréable à percevoir et à analyser. C'est une magnifique mise en service de l'intelligence critique, de l'intelligence analytique, et éventuellement, parfois, dans certains cas, dans certains films, d'une intelligence synthétique, au profit de l'image et du son. Reproche majeur adressé à Pierre Caste jusqu'à présent, c'est « Vous faites du cinéma littéraire et vous faites quelque chose qui tient en fait beaucoup plus du discours et du récit littéraire que du film. » C'est à la fois l'ambition de Pierre Caste et en même temps sa limite dans la mesure où il tente de la dépasser à chaque fois. Cela renvoie au phénomène suivant qui se dégage lorsqu'on envisage l'œuvre de Caste dans son entier. Pierre Caste est avant tout un esprit critique qui se préoccupe de remettre systématiquement en doute tout ce qui se présente à son intelligence dans la filiation la plus complète et la plus parfaite avec le cartésianisme le plus français. Il est donc très français dans ce que ce mot peut avoir d'extrêmement précis et de positif, et il est aussi un cinéaste attaché aux choses de ce temps, et il est assez frappant de voir qu'on lui reproche, bien souvent, de se préoccuper de petits milieux d'une certaine société, et ses problèmes, de les traiter avec un badinage apparent, alors qu'en fait, il y a toujours un constant souci chez lui de masquer le grave par un certain humour. Il y a donc chez Pierre Caste une filiation directe avec un certain courant de la pensée française que l'on peut rattacher au courant du XVIIIe siècle, mise en éveil perpétuel de l'esprit critique, tout cela sous l'humour. Oui, Robert Benayoun, quelle est votre vérité? Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est d'entendre Pierre Caste, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, repousser l'étiquette d'intellectuel. On sent que ce qui lui déplaît, c'est justement que ce soit une étiquette. Mais en même temps, il est impossible de ne pas faire de Pierre Caste justement l'image même de l'intellectuel de notre temps, de l'honnête homme d'aujourd'hui et de l'honnête homme de tous les temps d'ailleurs. Car au fond, si on considère son œuvre dans ses imperfections et dans ses réussites, on s'aperçoit que il n'a pas réussi lorsqu'il a cherché à développer, si vous voulez, un récit de forme traditionnelle et à s'insérer dans les structures normales du cinéma. À ce moment-là, il a fait ce que lui-même considère comme de mauvais films. Et puis, dès qu'il a été en mesure de s'exprimer avec une certaine liberté, une certaine spontanéité, et donc, si vous voulez, lorsqu'il a pu prendre la parole, il l'a prise en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire que finalement, il nous a développé au travers de personnages, au travers de récits très différents les uns des autres, mais il nous a entretenu, si vous voulez, de ses grandes obsessions, de ses grandes préoccupations. Il y a une continuité totale entre les courts-métrages qu'il a réalisés avant de passer au long-métrage, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'il nous parlait de Ledoux, de Le Corbusier, de Baudelaire, des As de la Guerre, toutes ces choses-là, il était très proche de films comme justement la Morte Saison des Amours, dans lequel on retrouve Ledoux, une certaine image de l'architecture moderne qu'il a reprise aussi bien dans ses films télévisés au Brésil, auprès de Niemeyer à Brasilia. On s'aperçoit qu'il a toujours finalement développé les mêmes thèmes et qu'il nous a parlé de ses obsessions. Également, la science-fiction a toujours eu pour lui une très grande importance et il a parlé de science-fiction sur des tons très divers. Il a fait des courts-métrages, si vous voulez, de documentation sur la science-fiction ou la pré-science-fiction. Et puis, il a fait un dessin animé de fiction, La Brûlure de mille soleils. Et d'ailleurs, la science-fiction n'est jamais absente non plus de ses chroniques modernes puisque les personnages s'en entretiennent très quotidiennement et sur le ton que Caste lui-même adopte dans sa conversation de tous les jours. Alors voilà un homme qui, je crois, est un intellectuel libre, et c'est ainsi, et c'est comme tel qu'il faut l'examiner. Il est très fidèle à sa pensée, et finalement, c'est en étant fidèle à sa pensée qu'il s'est exprimé le mieux, et qui, finalement, a réussi à s'imposer. Alors, c'est cet homme-là, je crois, qu'il faut que nous examinions. Oui, alors donc, ce que je retiens de ce que vous dites, qui me paraît effectivement évident, c'est un homme d'une certaine tradition de pensée et un homme de la contestation moderne, et à travers ses films se dessine un portrait. Il y a une grande fidélité à lui-même, ses longs métrages réussis, Le Bel Âge et La Morte Saison des Amours, étant l'accomplissement, au fond, sous forme de fiction libre, l'accomplissement, au fond, de sa carrière précédente. Les films de télévision, peut-être, sont encore plus libérés, je pense, des conventions et des structures commerciales, et par là même peut-être aussi plus aboutis et plus mûris. Ce qui me frappe chez Caste, c'est qu'autrefois, on voyait en lui une sorte d'adolescent tardif, enfin, l'étudiant, le potache, n'est-ce pas ? Et qu'aujourd'hui, on voit cet intellectuel vieillir. Et peut-être ce facteur temps, ce facteur vieillissement a-t-il joué aussi d'une certaine manière. Maintenant, vous dites qu'il y a des constantes à travers toute son œuvre, cette œuvre d'essayiste, de chroniqueur. De causeur même. On peut bien dire que finalement, là où il n'a pas vieilli, c'est un art de la conversation. C'est qui cause. Quand on a connu Cass avant qu'il fasse des films, il parlait exactement des mêmes choses que maintenant, que lorsqu'il a finalement commencé à s'exprimer par des films. C'est encore Korchipski, Van Vogt, Lenona, etc., qui reviennent dans sa conversation. C'est le thème du matriarcat. Ce sont toutes ces choses-là. On sent que finalement, il les a placées, il continue à les placer, et il continue, au fur et à mesure qu'il continue à broder lui-même et à développer sa pensée, il nous la confie. Alors ça, je crois que c'est une chose assez rare, c'est une chose qui finalement tient, justement on a parlé du 18e siècle, finalement les gens de l'encyclopédie, les gens comme Diderot ne procédaient pas autrement. Oui, il y a un côté étonnant chez lui de propagandiste sceptique, n'est-ce pas, désinvolte, ne se prenant pas au sérieux, au service tout de même d'idées qui ont fait leur chemin. Je ne dis pas qu'il les a inventées, n'est-ce pas, mais la logique nonna et le matriarcat par exemple, qui ont fait beaucoup sourire, sont devenus aujourd'hui des lieux communs. Ce qui m'avait gêné un petit peu dans ses premiers films, c'est que je sentais constamment le montreur de marionnettes. C'est-à-dire que les personnages étaient des démonstrateurs, n'est-ce pas, étaient des théories incarnées, et qu'on sentait constamment la volonté démonstrative, la volubilité de l'auteur, n'est-ce pas, toujours cet art de la conversation. Et je me demande si, en éliminant ce biais de la fiction et en prenant directement la parole face au public, comme il peut le faire, par exemple, à la télévision, si les choses ne sont pas plus nettes, au fond, plus simples. Maintenant, il y a quelque chose aussi, qui est peut-être une limite, je me fais l'avocat du diable, la sensibilité de Caste, la sensibilité en tout cas qu'on trouve dans ses films, est véritablement une sensibilité d'intellectuel. Ce que vous tentiez de définir, Philippe Hainaut, avec ce refus de la sensibilité chez Caste, c'est en fait le regard froid de Roger Vaillant. Oui. Il y a chez Caste, comme chez Vaillant, un souci constant de cette lucidité vis-à-vis de soi-même qui touche très souvent au narcissisme. Et à l'ironie sur soi-même. Et à l'ironie sur soi-même. On se projette toujours devant un miroir. En fait, les films de Cass sont bien souvent des miroirs qu'il se tente à lui-même. Et parfois, il se prend à son propre piège. Ça, il faut le reconnaître. Mais il est d'un autre côté intéressant de remarquer que dans sa génération, et dans le courant d'esprit où il est installé, Pierre Caste n'est pas non plus misogyne. Et les femmes de Caste sont, bien entendu, en fonction d'un postulat parfois un peu trop schématique et un peu trop visible, qui est un postulat de base, sont en principe les égales de l'homme. Et il le prend comme tel, et il faut donc qu'il y ait une participation du spectateur, de l'interlocuteur, pour admettre, effectivement, quelles sont les égales de l'homme. Mais d'un autre côté, ce refus de la sensibilité, cette espèce de pudeur qu'il y a chez Caste, se traduit aussi par un malaise qu'il a parfois dans le passage de son idée à l'écran. Il est gênant chez lui de constater qu'il y a parfois une inadéquation entre ce qu'il voudrait faire et ce qu'il réalise. C'est-à-dire que bien souvent, l'image de Pierre Caste reste en deçà de l'idée de Pierre Caste. Et cela est assez frappant avec Drôle de jeu, qui était d'une part, à mon avis, un livre fort peu visuel à la lecture, mais combien d'autres livres le sont aussi, et qui est à mon avis une réussite assez complète, peut-être le film le plus achevé de tous les longs métrages de Pierre Caste, dans la mesure où il a complètement dépassé cet obstacle de la visualisation d'un univers qui était presque le sien, bien que ce soit celui de Vaillant. Et en même temps, il y a des petites faiblesses qui, à la fin, qui prennent une certaine importance. Il y a un relâchement assez gênant de la part de Pierre Caste dans les directions des acteurs. Il y a, comme il le disait tout à l'heure dans son entretien, cette prépondérance qu'il voudrait accorder au son sur l'image, justement, l'entraîne parfois à négliger un peu l'image. Je constate quand même qu'il y a à l'intérieur de tout cela une espèce d'hésitation, de valse hésitation entre ce qu'il voudrait faire et ce qu'il fait effectivement. Je crois qu'il faut toujours considérer chez lui, dans ses films réussis comme dans les autres, un certain côté variation musicale, un côté polyphonique qui se retrouve d'ailleurs dans les théories et les variations de science-fiction sur un certain nombre de thèmes. Il y a des possibilités. On sent qu'il veut faire des films ouverts, de même qu'il est fasciné par les récits ouverts dans la science-fiction la plus traditionnelle. Lorsque ces personnages se ressemblent, disons, dans les films comme Le Bel Âge, ou La Mort Saison des Amours, ou Les Vacances Portugaises, que moi j'aime assez, dans une certaine mesure. On a des personnages qui en effet se ressemblent et parlent un peu tous de la même manière, d'une part, comme il l'expliquait, parce qu'ils appartiennent au même milieu, et parce qu'ils parlent le même langage, mais aussi parce que ce sont des gens qui se tendent des miroirs, non seulement à eux-mêmes, non seulement à Pierre Caste, mais qui se tendent des miroirs entre eux. Finalement, ces gens se rassemblent et se ressemblent parce qu'ils s'écoutent mutuellement, et qu'en s'écoutant mutuellement, ils s'écoutent eux-mêmes, n'est-ce pas ? Alors, il y a là, finalement, peut-être un drame qui est celui du monde qu'examine Pierre Caste, qui est peut-être celui de Pierre Caste lui-même, mais il faut dire qu'il a examiné ce monde avec une habileté énorme. Et je crois, très certainement, une prise de conscience très attentive des moyens qu'il choisissait pour s'exprimer. Je crois que Pierre Caste pourrait très bien un jour nous surprendre en écrivant une pièce de théâtre, ou en écrivant d'ailleurs ses essais qu'il nous donne chaque jour très, très brillamment quand on parle avec lui. Ou de ces contes voltairiens qui sont justement la transposition de cet art de la conversation, n'est-ce pas, dans l'esprit du 18e. Dans cet ordre d'esprit, il est assez frappant de remarquer une contradiction assez louable chez Pierre Caste. Cet être cultivé, cet intellectuel, comme on l'a souvent dit, se préoccupe fort peu de la forme au cinéma. Alors que c'est bien souvent un débat qui revient sans cesse avec les cinéastes français, on peut dire que chez Pierre Caste, avant tout, le fond prime la forme. Le témoignage que Pierre Caste a porté sur une certaine société française des années 58 à 68 rappelle parfois le ton des pamphlétaires du 19e siècle. Pierre Caste est un homme qui, à travers ses films, et sans en avoir l'air, a traité des problèmes majeurs d'une certaine génération, de tous les problèmes qui les obsédaient. Et il a surtout été frappé, comme tous ceux qui avaient 20 ans en 1940, par la guerre. Et que ce soit à travers Goya et les désastres de la guerre, que ce soit plus tard avec Drôle de jeu en souvenir de cette période de sa jeunesse, mais surtout avec les parallèles prodigieux d'acuité qu'il avait su établir entre l'Empire romain et la guerre du Vietnam, et récemment, sa toute dernière émission qui, je pense, sera montrée cette année à la télévision française, cette enquête fabuleuse qu'il a menée sur le crack américain de 1929 qui s'appelle le Vendredi Noir, montre bien que Caste est à son aise partout où il y a un esprit critique qui doit être en éveil. Et surtout, il est un témoin de son temps, et cela me paraît être la définition même d'un cinéaste de la société française de notre époque. C'était Connaître le cinéma par Philippe Hainaut et Jean Mitry, avec le concours de Nicole Guesveller. Aujourd'hui, Pierre Caste et ses films, avec la participation du cinéaste et des critiques Robert Benayoun et Patrick Bureau. Les fonds flous font valoir les froufrous. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 avril 1968. Il y a des froufrous pour tous les goûts, des avec trous et des sans trous. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. des tissus durs, des tissus mous, des chapeaux pour les chignons roux.